Je peux changer le cours du monde pendant que mes cheveux poussent. Ou je peux attendre et regarder mes cheveux pousser jusqu'aux pieds. Laissez passer chaque seconde pendant que mes cheveux poussent. Ou faire comme si tout allait s'arrêter et laisser mes cheveux tomber. Je peux grandir et devenir un homme pendant que mes cheveux poussent. Oui, je peux gémir comme un bébé, tirer mes cheveux jusqu'au pied. Ne pas transmettre tout ce qu'on me donne pendant que mes cheveux poussent. Ou partager tout ce que j'ai aimé et laisser mes cheveux pousser. Le choix, on a toujours le choix, mais le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Le soir, on a toujours le choix, mais le temps ne revient jamais. Je peux faire croire que j'aime tout le monde pendant que mes cheveux poussent. Ou je peux juste me taire et vraiment essayer laisser mes cheveux de côté. Si c'est tout ce qu'il faut, tout ce que j'aime, rien ne manque pendant que mes cheveux. Qu'est-ce que j'emporterai de l'autre côté? Ma maison, ma voiture, mes cheveux oubliés. Le soir, on a toujours le soir, mais le temps passe. Qu'est-ce qui se passe? Le soir, on a toujours le soir, mais le temps ne revient jamais. Le soir, on a toujours le soir, mais le temps passe. Qu'est-ce qui se passe? Le soir. Yeah.